Hier, je suis allé dire quelque chose. J'ai dit, les initiés de la connaissance sont ignorants. Par après, j'étais de mauvaise humeur, j'étais en colère contre moi, comme si vous voulez, contre tu. J'étais en colère contre tu, c'est-à-dire mon ego d'avoir dit ça. Parce que je voyais, ça va encore me desservir. Par après, comme j'étais en colère, je me demandais, un jeu entre parenthèses, pourquoi j'ai allé dire ça, pourquoi j'ai osé dire ça. Finalement, ce qui venait après, c'était parce que c'est ça. L'affaire de la connaissance. En tant que polarité de l'ignorance, c'est une illusion. La connaissance, c'est un peu plus l'antagoniste du savoir. Puis la connaissance puis l'ignorance, c'est la même affaire. C'est là la différence entre la connaissance puis le savoir. Le savoir peut pas être aussi de l'ignorance par polarité subjective réfléchie. Par un intellect, un ego. Le savoir, c'est instantané, c'est fractal. C'est une vue. C'est pas une compréhension réfléchie dans l'intellect. C'est une vue instantanée, immédiate, au sens réellement, étymologiquement, c'est-à-dire sans médiation. C'est ça que ça veut dire immédiat. Immédiatement, c'est sans médiation. L'intellect, c'est une médiation. Ça n'a pas le choix d'aboutir à l'ignorance. L'ignorance peut juste exister dans la connaissance, mais elle ne peut pas exister dans le savoir, c'est impossible. Parce que ce n'est pas le même phénomène. Pas du tout. Le grand réel éternel, les grands aspects de ce réel-là, les réalités, les grandes réalités éternelles, on le dit comme ça, c'est compris, ça peut être compris, vu instantanément, autant par un enfant, par un adulte, par un oiseau dans le buisson. Il y a des choses que on n'a pas besoin de connaître pour les savoir. Ça, c'est l'intelligence du système, si on peut dire. Le vrai système. C'est-à-dire, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, entre parenthèses, l'intelligence universelle, l'intelligence de la systémique de l'universel. Là, c'est quoi au fond la connaissance, comme par exemple si on prend la philosophie, l'ésotérisme, certaines spéculations théoriques, psychologiques par rapport à la psychologie. Je vais vous le dire, c'est quoi toutes ces affaires-là? C'est de l'élitisme social. C'est ça que c'est. C'est une déformation de l'intelligence à travers les mécaniques animiques primales d'animal social qu'est l'être humain, de sa capacité à resynthétiser dans son intellect des modèles qu'il confond avec la réalité. Les réalités, ou si vous voulez, rendu plus loin le réel. Pas besoin d'aller se faire initier dans des grandes sociétés initiatiques, puis de suivre, d'être au bout de quelqu'un en tant qu'élève ou en tant que disciple pour voir le réel. Ce qui est réellement réel. Parce que des gens, ils vont cheminer toute leur vie, puis une fois qu'ils aboutissent, ils mettent le doigt sur quelque chose, enfin, ils se rendent compte du « je le savais, ça ». Je l'ai toujours su. Au fond, si on regarde le résultat, on juge un arbre à ses fruits, OK? On regarde le résultat des grandes écoles mystiques, que ce soit de l'ordre plus du profane, comme les universités ou les facultés, des choses comme ça aboutit à quoi? On retourne tout le temps au fait que c'était la sagesse même était dans la vie elle-même. L'être humain est en train d'être conditionné à se tuer pour sauver la planète, alors que c'est à la planète de le sauver s'il se laisse faire puis il est réceptif. La réalité qui existe en dehors de l'intellect égoïque humain, puis les réalités que lui se reprojette sur son ego comme un écran, puis avec des modèles, puis une mécanique de synthétisation par la réflexion du réel, ça peut pas être le réel. C'est pour ça que la connaissance va tout le temps être inférieure au savoir. Que, au fond, c'est de l'ignorance. La connaissance. Ce que vous savez pour vrai, ce que vous savez pour vrai, ça va toujours être par vous-même. L'autre peut servir de support, on peut voir à travers l'autre des choses, mais il reste que le réel, ça s'enseigne pas, ça se voit. Pour ça, il faut être réceptif. Puis on est rendu à un point où tous les modèles, les écoles sont devenus des déformations du réel, que l'être humain, plus il avance dans l'intellect, plus il avance dans la connaissance, il se coupe du réel, puis il agit n'importe comment. Il faut pas que la conscience, c'est pas censé être un reflet de l'intelligence universelle à travers l'ego animalisé, de gens qui sont pas individués, qui n'ont pas d'identité réelle, puis qui existent juste par les autres. Il faut qu'il y ait un compartiment central, un centre, une identité, c'est-à-dire quelque chose qui vient pas de l'extérieur, mais qui rayonne vers l'extérieur. Un point central qui est détaché tout en étant attaché à ce qu'il observe, à ce qu'il est vu de par là. C'est un panorama. C'est un centre d'où il y a une vue panoramique, périphérique. L'intelligence réelle, de l'intelligence, va falloir à un moment donné que l'individu se rende compte de c'est quoi réellement l'orgueil. Parce que de l'intelligence, il en existait en dehors de lui, avant lui. C'est donc difficile. Pourtant, c'est fractal, ça. C'est une réalité fractale. L'intelligence existait en dehors de l'être humain, avant que lui existe. On va des fois parler, là, dans le fond, on reflète l'idée de hiérarchie dans l'intelligence psychologique projective. Puis ça a donné la hiérarchie sociale. Alors que la hiérarchie réelle, la hiérarchie de l'intelligence au niveau du réel, ça veut juste dire qu'il y a de l'intelligence sur différents plans. Au fond, si vous êtes capable d'admettre qu'en tant qu'ego, vous n'êtes pas plus intelligent que l'intelligence qui vous précède, au fond, ça commence là, là. On regarde de haut les gens. Oh, lui, c'est un catholique fondamentaliste, blablabla. Lui, oh, c'est une autre affaire. Mais il reste que les gens qui sont tombés réellement dans ce qui est. Ce qu'on pourrait appeler le narcissisme luciférien de l'intelligence réfléchie, que ça, c'est ça l'orgueil. L'être humain, il réfléchit tellement qu'il est plus capable de percevoir qu'il y a de l'intelligence en dehors de lui, qui le précède. Puis, à cause de cet orgueil-là, de cette réflexion-là, il se coupe d'avec. C'est à ça que ça a servi la connaissance, les forts, toutes les différentes doctrines qu'on peut comparer comme aux différentes langues, un peu comme la tour de Babel, l'être humain par orgueil se divise. C'est ça qui engendre des guerres, c'est ça qui engendre des drames. Mais la hiérarchie intelligente dans l'intelligence en dehors de l'être humain, ça existe. Puis si l'être humain a l'humilité d'admettre qu'il ne peut pas tout comprendre, qu'il ne peut pas tout connaître par son intellect, par son ego, s'il a la capacité de se dire, ben, je suis imparfait par rapport à ce tout-là, je suis un reflet de lui, mais j'ai les imperfections du fait que je suis emprisonné dans le plan psychologique en partie, puis que je suis pas parfait, avoir la capacité d'admettre qu'on n'est pas parfait, tout en réalisant qu'il y a de l'intelligence, il y en a sur différents plans, c'est sûr que rendu à certains niveaux, on n'aura pas le choix de mettre un genou à terre. Tout d'un coup, si on est capable d'admettre ça, qu'on n'est pas plus intelligent que l'intelligence, en tant qu'ego, en tant qu'identité psychologique, on n'a pas le choix d'admettre que rendu à un certain niveau, on n'aura pas le choix de mettre les genoux à terre. Devant de l'intelligence réelle. Tout d'un coup, une fois qu'on le comprend comme ça, qu'on voit ce qu'il y a derrière les formes, ça devient tout d'un coup moins ridicule. Qu'il y ait des gens qui se mettent un genou à terre, au moins quelques fois dans leur vie, pour dire « Pardonne-moi, Seigneur, je suis pas parfait. » L'affaire, c'est pas nécessairement au sens théologique, religieux, comme on l'a vu par rapport à toutes les philosophies, les théologies, les théocraties au cours de l'histoire, mais tout simplement d'admettre que de l'intelligence plus grande que nous nous précède, puis de se rendre compte à quel point on est imparfait, de se rendre compte que de la conscience, c'est-à-dire si on peut dire s'épurer un petit peu, se purifier un petit peu, c'est de voir les tâches. Se solidifier, c'est de voir les failles. Puis c'est par l'observation, l'humilité d'observer nos imperfections qu'on s'améliore. Ça, c'est pareil. C'est pareil sur tous les plans. Donc oui, ça arrive des fois que je me dis, j'ai agi en idiot, je vais encore faire rire de moi. J'admets que ça n'a pas l'air parfait pantoute, hein? Mais par après, si on se pose des grandes questions, ben peut-être qu'il va venir des grandes réponses. Donc, c'est là que ça me dit, ben c'est pas si faux. Ce que tu as dit. Si tu te l'es laissé dire, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière. Si tu ne l'as pas vu tout de suite, c'est parce qu'il y a une raison. Si vous regardez le système nerveux humain, lui, il est électrique. C'est un circuit électrique. Vous regardez un arbre, c'est un peu comme un humain qui serait à l'envers. Il y aurait la tête dans le sol, puis le corps qui pousse en dehors. Après, on regarde l'être humain, puis on dirait que son système nerveux, comme son système sanguin d'ailleurs, forme une sorte de végétal, d'arbre. Il semblerait que l'être humain, il existe lui aussi sur plusieurs plans. Vous avez un corps physique, vous avez un psychologique, vous avez un corps électrique, neuronal. Donc, si l'être humain il existe sur plusieurs plans, au fond, c'est quoi l'électrique dans le système nerveux? C'est un peu comme du feu. C'est quoi, au fond, le buisson ardent? À un moment donné, il est écrit, bon ben là, Moïse voit ça, puis dit, ah, je vais faire un détour pour contempler ce phénomène. Ben, il fait un détour, ça peut être vu de plein de façons. Après, il se fait dire, t'es sur une terre sacrée. Puis là, il enlève ses souliers, ses sandales, puis il se cache la face, il a peur. Il n'a pas peur parce que c'est menaçant, mais il a peur parce qu'il sait que, vu là d'où ça vient, ça peut le brûler. Fait que là, il a peur. Il craint. pour ça, des fois, il est écrit, lui, c'est un bonhomme parce qu'il craint Dieu. Mais c'est écrit ça dans le langage théologique du temps, dans le langage religieux du temps, plus que théologique. La téléologie, ça n'existait pas encore. Il n'avait pas fait de la philosophie avec la révélée. Que les formes vont bien plus loin. Il y a bien plus loin au-delà des formes. T'as 1 à 3, à 5, à 7, à 9, à 10, à 12. Le 11, c'est une porte. Dans le fond, les initiés de la connaissance sont à genoux en avant du portique, puis ils n'ont même pas peur. C'est de l'inconscience. Si l'être humain voyait tout, il aurait peur. Parce que son ego, il n'est pas fait pour ça. Ce qu'on sait, ça va tout le temps être par nous-mêmes. Ce qu'on connaît, ça, c'est par les autres. Mais on est un à la base. Puis il faut qu'il y ait un centre, un, puis ça l'émane. Pourquoi il y a différentes réalités? L'intellect humain, il est juste le reflet d'une mécanique de l'intelligence qui se reflète dans la matière. Donc, il y a un temps, il y a un espace, donc c'est réfléchi, il y a une linéarité. Bon, ça, c'est l'intellect. C'est mécanique, parce que ça se manifeste dans un espace-temps. Mais la conscience, c'est pas nécessairement temporel. Ça va au-delà de l'espace-temps. Psychomatériel de l'intellect qui réfléchit. Là, tout d'un coup, on peut vivre des états où on voit d'autres choses. Débrancher l'intellect un bout puis observer pareil. Il y a moyen de dormir puis d'être conscient. Vous êtes couché, là, tu dors puis t'entends tout ce qui se passe. Puis quand tu te réveilles, tu te souviens de tout. C'est des états différés, mais à un moment donné, est-ce qu'on va rester là à se casser la tête toute notre vie? Ce qu'on sait, on le sait, puis tout de suite, puis c'est toujours clair. Tout le reste, c'est de la manipulation. Dès que je me mets à me casser la tête, à me dire, bon, ben, l'affaire, c'est pas d'agir sans réfléchir, mais d'agir en voyant clair pour pas avoir besoin de réfléchir. Ça va bien plus vite. C'est pas jamais en s'adonnant à des simagrées, puis à des mondanités occultes, là, avec des traditions que je dirais que c'est du folklore social, au fond, que c'est construit au fil du temps. Mais ça n'a plus rapport avec. Le collectif, c'est connaissant. Mais il y a juste l'individu qui peut savoir. L'intelligence, c'est collectif aussi, mais de la conscience tout le temps individuelle. Donc, c'est une façon dont on gère ce qui vient du dehors. Donc, oui, les autres peuvent nous rendre plus conscients. Oui, ça peut arriver. Mais ils servent à ce moment-là de support, un peu comme un tuteur. Mais la plante grandit par elle-même. Donc, oui, je trouve les initiés de la connaissance ignorants. Parce que s'ils regardaient ça d'un autre plan, s'ils regardaient réellement, occultement, puis ce qu'ils se regarderaient aller, ils trouveraient ça ridicule. Voyons donc. C'est quoi ces histoires-là de titres pompeux, de cérémonies théâtrales? Pensez-vous que la lumière peut passer à travers des rideaux de théâtre de même, épais comme ça? La lumière, vous l'avez déjà. C'est la pollution qu'il faut enlever, c'est tout le temps de même.